Chapitre 8 de Le crime d'Orcival par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 8. Dans la salle de billard du château de Valfeuillu, le docteur Gendron venait d'achever sa funèbre besogne. Il avait retiré son vaste habit noir à larges manches, à basque immense, à boutonnière ornée du ruban rouge de la Légion d'honneur, véritable habit de savant, et il avait retroussé, bien au-dessus du coude, les manches de sa chemise de forte toile. Près de lui, sur une petite table, destinée à recevoir les rafraîchissements, étaient épars les instruments dont il s'était servi, des bistouris et plusieurs sondes d'argent. Il avait dû, pour les investigations, dépouiller le cadavre, et il l'avait ensuite recouvert d'un grand drap blanc qui dessinait vaguement les formes du corps et dépassait d'un côté les bandes du billard. La nuit était venue et une grosse lampe, à globe de cristal dépoli, éclairait cette scène sinistre. Penché au-dessus d'un immense seau d'eau, le docteur finissait de se laver les mains lorsqu'entrèrent le vieux juge de paix et l'agent de la sûreté. Au bruit de la porte, M. Gendron se redressa vivement. « Ah, c'est vous, Planta !» dit-il, d'une voix dont l'altération était parfaitement sensible. « Oui, Monsieur Demigny ! Parti !» Le docteur ne prit pas la peine de réprimer un mouvement de vive impatience. « Il faut pourtant que je lui parle !» dit-il. « C'est indispensable, et le plus tôt sera le mieux. Car enfin, je me trompe, peut-être, je puis me tromper. » Monsieur Lecoq et le père Planta s'étaient approchés, refermant la porte, casquaient les domestiques du château. Entrés dans le cercle de la lumière de la lampe, ils purent voir combien étaient bouleversés les traits si régulièrement calmes de Monsieur Gendron. Il était pâle, plus pâle que la morte qui gisait là, sous ce grand drap. L'altération des traits et de la voix du docteur ne pouvait être causée par la tâche qu'il venait de remplir. Certes, elle était pénible, mais M. Gendron est un de ces vieux praticiens qui ont tâté le pouls à toutes les misères humaines, dont le dégoût s'est blasé au plus hideux spectacle, qui en ont vu bien d'autres enfin. Il fallait qu'il découvre quelque chose d'extraordinaire. « Je vais, mon cher docteur, lui dit le père Planta, vous adresser la question que vous m'adressiez il y a quelques heures. Vous trouveriez-vous indisposé? Êtes-vous souffrant ?» M. Gendron secoua tristement la tête et répondit avec une intention calculée et parfaitement notée. « Je vous répondrai, mon ami, précisément ce que vous m'avez répondu. Je vous remercie, ce n'est rien, je vais déjà mieux. » Alors, ces deux observateurs, également profonds, détournèrent la tête, comme si, redoutant d'échanger leurs pensées, ils se fussent défiés de l'éloquence de leur regard. M. Lecoq s'avança. « Je crois savoir, dit-il, les raisons de l'émotion de M. le docteur. Il vient de découvrir que Mme de Trémorel a été tuée d'un seul coup, et que plus tard, les assassins se sont acharnés sur un cadavre, déjà presque froid. Les yeux du docteur eurent, en s'arrêtant sur l'agent de la sûreté, une expression d'immense stupeur. « Comment avez-vous pu deviner cela ? » demanda-t-il. « Oh, je n'ai pas deviné seul !» répondit modestement M. Lecoq. « Je dois partager avec M. le juge de paix l'honneur du système qui nous a amenés à prévoir ce fait. » M. Gendron se frappa le front. « En effet, » s'écria-t-il, « je me rappelle maintenant votre recommandation. » Dans mon trouble, qui a été grand, il faut bien que je le confesse, je l'avais totalement oublié. Monsieur Lecoq crut devoir s'incliner. Eh bien, reprit le médecin, vos prévisions se trouvent réalisées. Entre le premier coup de poignard qui a donné la mort et les autres, il ne s'est peut-être pas écoulé tout le temps que vous supposez, mais je suis persuadé que Madame de Trémorel avait cessé de vivre depuis près de 3 heures lorsqu'on l'a frappée de nouveau. Monsieur Gendron s'était approché du billard, et lentement, il avait relevé le drap mortuaire, découvrant ainsi la tête et une partie du buste du cadavre. « Éclairez-nous donc, Planta » demanda-t-il. Le vieux juge de paix obéit. Il prit la lampe et passa de l'autre côté du billard. Sa main tremblait si fort que le globe et le verre s'entrechoquaient. La lumière vacillante promenait sur les murs des ombres sinistres. Cependant, le visage de la comtesse avait été lavé soigneusement. Les plaques de sein et de vase avaient été enlevées. La marque des coups était ainsi plus visible. Mais on retrouvait sous cette figure livide les traces de sa beauté. Monsieur Lecoq se tenait en haut du billard, se penchant pour examiner de plus près. « Madame de Trémorel, disait le docteur Gendron, a reçu 18 coups de poignard. De toutes ses blessures, une seule est mortelle. C'est celle-ci, dont la direction est presque verticale. Tenez, là, un peu au-dessous de l'épaule. » En même temps, il montrait la plaie béante et, sur son bras gauche, il soutenait le cadavre, dont les admirables cheveux blonds s'éparpillaient sur lui. Les yeux de la comtesse avaient conservé une expression effrayante. Il semblait que de sa bouche entrouverte, ce cri allait s'échapper. « À moi, au secours !» Le père Planta, l'homme au cœur de pierre, détournait la tête. Et le docteur, devenu maître de son émotion première, continuait de cette voix un peu emphatique des professeurs à l'amphithéâtre. La lame du couteau devait être large de 3 cm et longue de 25 au moins. Toutes les autres blessures, aux bras, à la poitrine, aux épaules, sont légères relativement. On doit les supposer postérieures de 2 heures au moins à celle qui a déterminé la mort. « Bien, » fit Monsieur Lecoq. « Remarquez, » reprit vivement le docteur, « que je n'émets pas une certitude. J'indique simplement une probabilité. Les phénomènes sur lesquels se base ma conviction personnelle sont trop fugitifs, trop insaisissables de leur nature, trop discutés encore pour que je puisse rien assurer. » Cet exposé du docteur parut contrarier vivement Monsieur Lecoq. « Cependant, dit-il, du moment où... » « Ce que je puis affirmer, » interrompit M. Gendron, « ce que sans scrupule j'affirmerai devant un tribunal, sous la foi du serment, c'est que toutes les plaies contuses de la tête, à l'exception d'une seule, ont été faites bien après la mort. Pas de doute, pas de discussion possible. Voici, au-dessus de l'œil, le coup donné pendant la vie. Comme vous le voyez, l'infiltration du sang dans les mailles des tissus a été considérable. La tumeur est énorme, très noire au centre et plombée. Les autres contusions ont si peu ce caractère que même ici, où le choc a été assez violent pour fracturer l'os temporal, il n'y a aucune trace d'ecchymose. Il me semble, monsieur le docteur, insinua monsieur Lecoq, que de ce fait acquis est prouvé, que la comtesse a été, après sa mort, frappée par un instrument contendant, on peut conclure que c'est également, lorsqu'elle avait cessé de vivre, qu'elle a été hachée de coups de couteau. Monsieur Gendron réfléchit un moment. « Il se peut, monsieur l'agent, dit-il enfin, que vous ayez raison. » Et pour ma part, j'en suis persuadé. Pourtant, les conclusions de mon rapport ne seront pas les vôtres. La médecine légale ne doit se prononcer que sur des faits patents, démontrés, indiscutables. Si elle a un doute, le moindre, le plus léger, elle doit se taire. Je dirais plus, s'il y a incertitude, mon avis est que l'accusé doit en recueillir le bénéfice, et non l'accusation. Ce n'était certes pas là l'opinion de l'agent de la sûreté. Mais il se garda bien d'en rien dire. C'est avec une attention passionnée qu'il avait suivi le docteur Gendron, et la contraction de sa physionomie disait l'effort de son intelligence. « Il me paraît possible maintenant, dit-il, de déterminer où et comment la comtesse a été frappée. » Le docteur avait recouvert le cadavre, et le père Planta avait replacé la lampe sur la petite table. Ils engagèrent tous deux M. Lecoq à s'expliquer. « Eh bien, reprit l'homme de la police, la direction de la blessure de Mme de Trémorel me prouve qu'elle était dans sa chambre, prenant le thé, assise, et le corps un peu incliné en avant, lorsqu'elle a été assassinée. L'assassin est arrivé par derrière, le bras levé, il a bien choisi sa place et a frappé avec une force terrible. Telle a été la violence du coup que la victime est tombée en avant, et que dans la chute, son front rencontrant l'angle de la table, elle s'est fait la seule blessure ecchymosée que nous ayons remarquée à la tête. Monsieur Gendron examinait alternativement Monsieur Lecoq et le père Planta, qui échangeaient des regards au moins singuliers. Peut-être se doutait-il du jeu qu'il jouait. Évidemment, dit-il, le crime doit avoir eu lieu, comme l'explique monsieur l'agent. Il y eut un autre silence, si embarrassant que le père Planta jugea convenable de l'interrompre. Le mutisme obstiné de monsieur Lecoq le taquinait. Avez-vous vu, lui demanda-t-il, tout ce que vous aviez à voir? Pour aujourd'hui, oui, monsieur. Pour les quelques perquisitions qui me seraient encore utiles, j'ai besoin de la lumière du jour. Il me paraît d'ailleurs que, sauf un détail qui m'inquiète, je tiens complètement l'affaire. Il faut alors être ici demain de bon matin. J'y serai, monsieur, à l'heure qu'il vous plaira. Pour ces explorations terminées, nous nous rendrons ensemble à Corbeil, chez monsieur le juge d'instruction. Je suis aux ordres de monsieur le juge de paix. Le silence recommença. Le père Planta se sentait deviné, et il ne comprenait rien aux singuliers caprices de l'agent de la sûreté, qui, si prompte, quelques heures plus tôt, se taisait maintenant. Monsieur Lecoq, lui, ravi de taquiner un peu le juge de paix, se proposa de l'étonner prodigieusement le lendemain en lui présentant un rapport qui serait le fidèle exposé de toutes ses idées. En attendant, il avait tiré sa bonbonnière et confia mille choses au portrait. « Puisqu'il en est ainsi, fit le docteur, il ne nous reste plus, ce me semble, qu'à nous retirer. J'allais demander la permission de le faire, dit monsieur Lecoq. Je suis à jeun depuis ce matin. » Le père Planta prit un grand parti. « Regagnez-vous Paris ce soir, monsieur Lecoq ? » demanda-t-il brusquement. « Non, monsieur. Je suis arrivé ici ce matin avec l'intention d'y coucher. J'ai même apporté mon sac de nuit, qu'avant de venir au château, j'ai déposé à cette petite auberge qui est au bord de la route et qui a un grenadier peint sur sa devanture. C'est là que je me propose de souper et de coucher. Vous serez fort mal au grenadier fidèle, fit le vieux juge de paix. Vous ferez acte de prudence en venant dîner avec moi. Monsieur le juge de paix est vraiment trop bon. De plus, comme nous avons à causer, et peut-être longuement, je vous offre une chambre. Nous allons prendre votre sac de nuit en passant. Monsieur Lecotte s'inclina, la bouche en cœur, à la fois flatté et reconnaissant de l'invitation. « Et vous aussi, docteur, » continua le père Plantat. « Bon gré mal gré, je vous enlève. Ah, ne dites pas non. Si vous tenez absolument à rentrer à Corbeil ce soir, nous vous reconduirons après souper. » Restaient les scellés à poser. L'opération fut promptement terminée. Des bandes étroites de parchemin, retenues par de larges cachets de cire aux armes de la justice de paix, furent placées à toutes les portes du premier étage, à la porte de la chambre à la hache, et aussi au battant d'une armoire où toutes les pièces de conviction recueillies par l'enquête et minutieusement décrites dans les procès-verbaux avaient été déposées. Fin du chapitre 8.